Imaginez-moi sur mon building, assis les pieds dans le vide là où je me suis élu le king. Mais je suis pas seul, y'a moi et mon ego, donc laissez-moi rêver qu'ici bas ce monde est le nôtre. Face au béton, j'attendris les anges. Chez moi ça tourne pas rond, pourtant j'arrondis les angles. La violence n'est que la suite de la lâcheté. J'ai du talent à revendre et une conduite à racheter. On nous traite de tous les noms de façon inopinée. Racaille, sauvageon, le bon mot c'est opprimé. Fatigué de mettre les pendules à l'heure, j'ai donné ma parole, ils m'ont rendu la leur. Je pardonne leurs erreurs toutes les 30 secondes. J'ai appris la vie dans le temps sans comprendre ce monde. J'attends juste un geste de l'avenir. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Faut que ce son te fasse l'effet de Brooklyn Zoo. Allez lâchez-vous, que tous les coincés du monde fêtent un coup. Je veux que les mamies fassent du kung fu. Marre du garde à vous, une fois dans la nuit fait le dingue pour le jour des fous. Faut que ce son te fasse l'effet de Brooklyn Zoo. Allez lâchez-vous, que tous les coincés du monde fêtent un coup. Je veux que les mamies fassent du kung fu. Marre du garde à vous, une fois dans la nuit fait le dingue pour le jour des fous. Sur le plus haut des buildings, dans un état second. Depuis 3 ans, 3 mois, 3 minutes et 3 secondes. Merde, j'ai un tas de rêves à ne pas faire. Plus apprendre à gagner, mais apprendre à ne pas perdre. Reste debout frère, mais les bouches est double. J'ai vu que la vérité sort de la bouche des goûts. Autre chose, mon sourire vous paraît louche. Mort de rire, donc la faucheuse a un nez rouge hein. Fils d'exclu, voilà ce que je peux donner. Un j'accuse de Zola, les mêmes excuses que Dieu donnait. Man. Par chance, anonyme parmi les passants. Mais je suis toujours présent, surtout quand on me croit absent. J'apprends face à la ville et ses allées noires. À dire Allah ilallah face aux aléas. À l'avenir et ses allées sales. À la vie et ses parts d'espoir. Elle a mis un, je crois que c'est ça. Faut que ce son te fasse l'effet de Brooklyn Zoo. Allez lâchez-vous, que tous les coincés du monde fêtent un coup. Je veux que les mamies fassent du kung fu. Marre du garde à vous, une fois dans la nuit fait le dingue pour le jour des fous. Sur mon building, face à une demi-lune. Le temps c'est des thunes, ma montre tarde 2 minutes. La lune tient le bavoir à des frères fiers de leur vécu entre verbe être et le verbe avoir. La grammaire retourne à sa planque, l'argent passe avant. Dieu soit loué, tout n'est pas à vendre. En bas, v'là que la foule se défoule sur mon building. J'attends le jour des fous. Allez lâchez-vous, que tous les coincés du monde fêtent un coup. Je veux que les mamies fassent du kung fu. Marre du garde à vous, une fois dans la nuit fait le dingue pour le jour des fous. Faut que ce son te fasse l'effet de Brooklyn Zoo. Allez lâchez-vous, que tous les coincés du monde fêtent un coup. Je veux que les mamies fassent du kung fu. Marre du garde à vous, une fois dans la nuit fait le dingue pour le jour des fous.